Le dernier livre par Alphonse Daudet. Il est mort, me dit quelqu'un dans l'escalier. Depuis plusieurs jours déjà, je la sentais venir, la lugubre nouvelle. Je savais que d'un moment à l'autre, j'allais la trouver à cette porte. Et pourtant, elle me frappa comme quelque chose d'inattendu. Le cœur gros, les lèvres tremblantes, j'entrais dans cet humble logis d'hommes de lettres où le cabinet de travail tenait la plus grande place, où l'étude despotique avait pris tout le bien-être, toute la clarté de la maison. Il était couché sur un petit lit de fer très bas, et sa table chargée de papier, sa grande écriture interrompue au milieu des pages, sa plume encore debout dans l'encrier, disaient combien la mort l'avait frappé subitement. Derrière le lit, une haute armoire de chêne débordant de manuscrits de paperasse s'entr'ouvrait presque sur sa tête. Tout autour, des livres, rien que des livres. Partout, sur des rayons, sur des chaises, sur le bureau, empilés par terre, dans des coins, jusque sur le pied du lit. Quand il écrivait là, assis à sa table, cet encombrement, ce fouillis sans poussière pouvait plaire aux yeux. On y sentait la vie, l'entrain du travail. Mais dans cette chambre de mort, c'était lugubre. Tous ces pauvres livres, qui croulaient par piles, avaient l'air prêts à partir, à se perdre dans cette grande bibliothèque du hasard, éparses dans les ventes, sur les quais, les étalages, feuilletés par le vent et la flâne. Je venais de l'embrasser dans son lit, et j'étais debout à le regarder, tout saisi par le contact de ce front froid et lourd comme une pierre. Soudain, la porte s'ouvrit. Un commis en librairie, chargé, essoufflé, entra joyeusement et poussa sur la table un paquet de livres frais sortis de la presse. « Envoie de Bachelin » cria-t-il. Puis, voyant le lit, il recula, ôta sa casquette et se retira discrètement. Il y avait quelque chose d'effroyablement ironique dans cet envoi du libraire Bachelin, retardé d'un mois, attendu par le malade avec tant d'impatience et reçu par le mort. Pauvre ami, c'était son dernier livre, celui sur lequel il comptait le plus. Avec quel soin minutieux, ses mains, déjà tremblantes de fièvre, avaient corrigé les épreuves. Quelle hâte il avait de tenir le premier exemplaire. Dans les derniers jours, quand il ne parlait plus, ses yeux restaient fixés sur la porte. Et si les imprimeurs, les protes, les brocheurs, tout ce monde employé à l'œuvre d'un seul, avaient pu voir ce regard d'angoisse et d'attente, les mains se seraient hâtées. Les lettres se seraient bien vite mises en page, les pages en volume, pour arriver à temps, c'est-à-dire un jour plus tôt, et donner au mourant la joie de retrouver, toute fraîche dans le parfum du livre neuf et la netteté des caractères, cette pensée qu'il sentait déjà fuir et s'obscurcir en lui. Même en pleine vie, il y a là en effet pour l'écrivain un bonheur dont il ne se blase jamais. Ouvrir le premier exemplaire de son œuvre, l'avoir fixé comme en relief, et non plus dans cette grande ébullition du cerveau où elle est toujours un peu confuse, quelle sensation délicieuse. Tout jeune, cela vous cause un éblouissement. Les lettres miroitent, allongées de bleu, de jaune, comme si l'on avait du soleil plein la tête. Plus tard, à cette joie d'inventeur se mêle un peu de tristesse, le regret de n'avoir pas dit tout ce qu'on voulait dire. L'œuvre qu'on portait en soi paraît toujours plus belle que celle qu'on a faite. Tant de choses se perdent dans ce voyage de la tête à la main. Avoir, dans les profondeurs du rêve, l'idée du livre ressemble à ces jolies méduses de la Méditerranée qui passent dans la mer comme des nuances flottantes. Posées sur le sable, ce n'est plus qu'un peu d'eau, quelques gouttes décolorées que le vent sèche tout de suite. Hélas, ni ses joies, ni ses désillusions, le pauvre garçon n'avait rien eu, lui, de sa dernière œuvre. C'était navrant à voir. Cette tête inerte et lourde, endormie sur l'oreiller, et à côté ce livre tout neuf, qui allait paraître aux vitrines, se mêler au bruit de la rue, à la vie de la journée, dont les passants liraient le titre machinalement, l'emporteraient dans leur mémoire, au fond de leurs yeux, avec le nom de l'auteur, ce même nom inscrit à la page triste des mairies, et si riant, si gai sur la couverture de couleur claire. Le problème de l'âme et du corps semblait tenir là tout entier, entre ce corps rigide qu'on allait ensevelir, oublié, et ce livre qui se détachait de lui comme une âme visible, vivante et peut-être immortelle. « Il m'en avait promis un exemplaire, » dit tout bas près de moi une voix larmoyante. Je me retournai, J'aperçus sous des lunettes d'or un petit œil vif et fureteur de ma connaissance et de la vôtre aussi, vous tous mes amis qui écrivez. C'était l'amateur de livres. Celui qui vient, dès qu'un volume de vous est annoncé, sonner à votre porte de petits coups timides et persistants qui lui ressemblent. Il entre, souriant, l'échine basse, frétille autour de vous, vous appelle cher maître. Il ne s'en ira pas sans emporter votre dernier livre. Rien que le dernier. Il a tous les autres. C'est celui-là seul qui lui manque. Et le moyen de refuser? Il arrive si bien à l'heure. Il sait si bien vous prendre au milieu de cette joie dont nous parlions, dans l'abandon des envois, des dédicaces. Ah, le terrible petit homme que rien ne rebute. Ni les portes sourdes, ni les accueils gelés, ni le vent, ni la pluie, ni les distances. Le matin, on le rencontre dans la rue de la Pompe, grattant au petit huis du patriarche de Passy. Le soir, il revient de Marly avec le nouveau drame de Sardou sous le bras. Et comme cela, toujours trottant, toujours en quête, il remplit sa vie sans rien faire et sa bibliothèque sans payer. Certes, il fallait que la passion des livres fût bien forte chez cet homme pour l'amener ainsi jusqu'à ce lit de mort. « Eh, prenez-le, votre exemplaire !» lui dis-je impatienté. Il ne le prit pas. Il l'engloutit. Puis, une fois le volume bien approfondi dans sa poche, il resta sans bouger, sans parler, la tête penchée sur l'épaule, essuyant ses lunettes d'un air attendri. Qu'attendait-il? Qu'est-ce qui le retenait? Peut-être un peu de honte? L'embarras de partir tout de suite comme s'il n'était venu que pour cela? Eh bien non. Sur la table, dans le papier d'emballage à moitié enlevé, il venait d'apercevoir quelques exemplaires d'amateurs, la tranche épaisse, non rognée, avec de grandes marges, fleurons, cul de lampe, et malgré son attitude recueillie, son regard, sa pensée, tout était là. Il en louchait, le malheureux. Ce que c'est pourtant que la manie d'observer. C'était le dernier livre par Alphonse Daudet.